sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. C'est Mathieu Plante en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières pendant qu'on attend le retour du baseball des Aigles, à savoir si ça va continuer le match de ce soir parce qu'il y a de la pluie qui tombe en ce moment. Donc écoutons quelques nouvelles entrées du palmarès anglophone et justement pour fitter avec la météo, voici Braids et la pièce Mini Skirt. It's not like I'm feeling much different than a woman my age years ago. Liberate is what you wanna call it. Choked, 'cause I know some just see my body, and every girl I know at some point stopped eating. I'm not a man hater, I enjoy them like cake. But in my position, I'm the slut, I'm the bitch, I'm the whore, the one you hate. And there's a name for this kind of man. It's just a stamp to the head. For them another notch in the bed. It's like I'm wearing red. And if I am, you feel you the right to touch me. 'Cause I asked for it in my little mini skirt. Think you can have it, my little mini skirt. It's mine, all mine. Braids, Mini Skirt. L'album s'appelle Deep in the Iris au 89 FM. C'est fou, on attend toujours de savoir si on va retourner au match des aigles. Mini Skirt, Mini Jupe, hein? Ceux et celles. Oui, j'ai bien dit ceux et celles qui portent des jupes en ce moment, pauvre vous. Alors, on continue dans le même thème avec de la météo. Voici The Weather Station et Loyalty. Ça, c'est fou. The Weather Station et Loyalty. L'album s'appelle aussi Loyalty. On est toujours en train d'attendre après le délai pluvial, pluvieux, de pluie, qu'on va dire, pendant le match des Aigles. On va peut-être y retourner tantôt, sinon, comme Simon La Liberté l'a dit tantôt, on va continuer le match demain et ensuite on fera un deuxième match ensuite. Question de rester encore une fois dans la thématique. Tu sais, quand il y a un délai de pluie, j'essaie de rester dans la thématique de la pluie. Donc voici The Swimmer, le nageur, par Mats. C'est une pièce qui commence bizarre, même qu'elle dure bizarre pendant une minute. Je verse à l'avance. 89 FM, c'est fou. We'll be right back. et The Swimmer. Ah, j'avais averti qu'il y avait 45 secondes de bizarre au début sur une chanson qui en dure en tout 2 minutes 41. Tantôt, j'ai dit que j'allais être dans la thématique de la pluie. Et on dirait qu'il n'y a que des pièces de pluie sur les palmarès en ce moment. Donc voici une autre pièce qui porte le titre de « Il pleut » par Propofol sur C'est fou, 89 FM. Vous écoutez Les Aigles, mais pas tout à fait en ce moment. Peut-être tantôt, peut-être pas. Pas folle et il pleut sur l'album Le Banquet en position numéro 9 du palmarès francophone de C'est fou. Je reste dans la thématique de la pluie et pour vrai, je pourrais continuer jusqu'à 22h minimum avec des chansons qui ont rapport avec la pluie dans le palmarès, ça n'a même pas de sens. Je regarde de l'extérieur du studio ici à C'est fou, on est à l'Université du Québec à Trois-Rivières bien sûr et on dirait que la pluie s'est pas mal calmée. En tout cas, moi, de mon point de vue, je vois pas tellement de pluie qui tombe dans la flaque. J'ai le point de vue directement sur la flaque. C'est quand même pratique dans un studio d'avoir un point de vue sur une flaque, n'est-ce pas? Donc, on devrait avoir des nouvelles bientôt, je l'imagine. Mais avançons, on continue avec Baden Baden en position numéro 16 du palmarès francophone. Voici, et voici le lien en plus. J'ai plongé dans le bruit. Never comme faire des liens. C'est au 89.1 FM, c'est fou. Ça. J'ai revu la candeur qui se cachait là-bas. Les reflets nous déforment en des milliers de fois. J'ai prolongé la nuit et pensé à tout ça. Prolongé la nuit à te regarder tout bas. Tout sera anormal en ne regrettant rien. J'ai plongé dans le bruit en 16e position, francophone des palmarès, c'est fou. Là, tantôt, j'ai commencé une petite thématique sur la pluie puis sur l'eau, puis là, je me sens un petit pris là-dedans, tu sais. Puis là, les gens me lancent des défis. Écoute, on va-tu réussir à continuer comme ça longtemps? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire des châteaux de sable? C'est de l'eau. Voici Châteaux de sable de Rouge Pompier. Qu'est-ce que vous faites? On n'est pas venu ici pour regarder le paysage. On est ici pour aller chercher des tigres. Let's go! Je la sens agressive. C'était Rouge Pompier et la pièce Château de Sable en 14e du palmarès francophone. Toujours Mathieu Plante, toujours en direct des studios de C'est fou à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On attend de savoir si le match des Aigles de ce soir va se continuer ou si, sinon, si on va continuer ça demain à la place. On va avoir la décision d'un moment à l'autre, mais avant ça, oui, je continue dans la thématique de la pluie et non, je n'arrêterai jamais. Voici Noël et Marée Noire. Dans une marée, c'est de l'eau qui est une marée. Au 89 FM, c'est fou. Pièce Marée Noire par Noem. L'album s'appelle Le Grand Mensonge, c'est la 7e place du côté francophone pour aller palmarès de la période du 22 juin au 26 juillet 2015. Toujours Mathieu Plante en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières à l'UQTR et en ce moment, je regarde dehors et encore une fois, il n'y a pas vraiment de pluie. Mais faut quand même l'admettre, les Aigles, ils prennent pas les décisions à la légère. Ils vont vraiment étudier le projet, mettre un sous-comité là-dessus pour voir si on continue le match ce soir ou si on continue demain. Mais moi, je suis rendu à ma 8e pièce sur la thématique de la pluie dans le top 40. Quand même, il faut l'apprécier. 40 pièces, 8 pièces avec un lien d'eau. Et la prochaine, c'est juste parce que c'est les crevettes. Et le nom du groupe en anglais, c'est The Shrimps. Donc, les crevettes. Voici le doute. direct du stade Fernand Bédard, vous écoutez les Aigles de Trois-Rivières. Avec Simon Laliberté à la description du match et Louis-Simon Gauthier du Nouvelliste à l'analyse. L'équipe de Cifou vous souhaite un bon match sur les ondes du 89.1 FM. De retour au stade Fernand Bédard de Trois-Rivières, on a du développement. Le match de ce soir est officiellement remis à demain.